J'explique le vécu comme une lame bien acérée. Le truc que l'on prend avec ses mains pour le serrer. Assommer la prétention, tout cela comme une image. Avec une détention et dans la masse qui se propage. Je reste comme une étoile galactique qui brille. Et sans différencier celle qui le plus scintille. Dans le fond de l'immensité, j'ai toujours envie de citer ceux qui écrivent la théorie de vouloir plébisciter. Le dessin de la vie fait que je taille le crayon et esquisser la chaîne pour en préciser les maillons. Et même si parfois il ne me reste que des haillons, ça ne m'empêche pas de vous dire au baba bataillon. En mode de guerrier, je reconstruis mon armure. Peut-être même écrirai mon emblème sur quelques murs. C'est sûr, j'ai encore ce sentiment si pur à me dire que l'avenir arrêtera d'être dur. En basket, je garderai la démarche souple, le principe de la vie afin de faire un gros loops sans oups et me dire putain c'est ballot. Parce que parfois la vie ne fait pas de cadeaux. Démocratie, te dire, est-ce que je peux parler? Un mic, une voix, essayer de ravaler. Et parce que parfois ta haine, il te faut ravaler. Autant avoir le flow d'une rime et bien calé. Souplesse de ce temps, et on parle de douceur. Et même si les infos ne nous montrent que de la douleur, on ne peut que se complaindre dans les larmes de la vie. Et parce que je veux peindre et toute l'âme de mes envies. C'est dit et j'écris l'émotion sur le papier. Et de toute façon, moi je suis toujours venu à pied. Et ça va pas changer, n'entends pas le bruit des billets. Ça n'empêchera pas quand même de vouloir briller. Sur la route de mon flow, j'en esquisse le diamant. Et parce que finalement, je n'en suis que le prétendant. Aussi riche de la vibe qu'est belle ma culture. Rien à foutre de voir si la gloire sera pure.